Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 21 décembre. On va ouvrir le bulletin de sport local régional en parlant du club de golf de Saint-Prime qui a tenu son assemblée générale lundi dernier et c'est un déficit de 32 000 $ sur un budget de 600 000 $. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com ce matin, Gilles Larouche a expliqué qu'il y avait quand même 500 parties de golf de moins qui ont été jouées cette année dues à la mauvaise température. C'est quand même positif. On sait que la température en début de saison n'a pas été au rendez-vous. Là, si on se parle pratiquement jusqu'au 1er juillet, c'était assez chaotique comme météo. Mais je peux dire que ça a été quand même bon. Nous, on avait une particularité cette année, on reconfigurait, donc on reconstruisait certains trous, et on a dû fermer 9 trous, c'est-à-dire le premier 9. On l'a fermé à partir du 1er septembre environ. C'est clair que ça a eu un impact sur le joueur journalier. Les gens à Saint-Prime ont l'habitude de jouer 18 trous, et on était beaucoup moins attractifs de ce côté-là. Donc, les gens n'étaient pas au rendez-vous. Mais je dois dire qu'au niveau des parties jouées, ça représente environ 500 parties de moins que l'an dernier. OK. Donc, et Gilles Larouche explique le déficit de 32 000 $. Déficit de 32 000. OK. Le déficit sur un budget de tout près de 600 000. OK. Donc, Ça s'explique très bien, Danny. Nous, au fil des ans, ben, comme tu sais, on s'est parlé à quelques reprises, on avait une dette qui était accumulée de plus de 600 000 $. Alors, considérant quand tu n'as pas de liquidité, les intérêts courts, et cette année, seulement qu'au niveau des intérêts de fournisseurs, si on veut, des taxes municipales, ainsi que les différents prêts qu'on a contractés au fil des ans, alors, nous, ça représente en partie intérêt environ 30 000 $. C'est-à-dire que cette année, on a commencé à vendre des terrains. La priorité est claire de se libérer des dettes pour aller chercher ce 30 000 $ de marge de manœuvre. Le club de golf de Saint-Prime a un nouveau président. Il s'agit de Martial Bouchard qui succède donc à Rémi Curtness qui lui a très bien travaillé au cours des 2 dernières années. Classement POC, comme on fait à tous les mercredis, on va vous donner le classement POC selon le site internet classementpoc.com. On mentionne qu'au niveau Bantam, les Hurricanes de Matsuya se retrouvent au 18e rang, les Rapides de Debrecen au 22e rang et les Ambassadeurs de Chibougamo au 89e rang. Niveau junior, les Éperviers de Normandie se retrouvent au 21e rang et les Sabres de Roberval au 40e rang. Et au niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 4e rang et les Ambassadeurs de Chibougamo sont au 64e rang. Maintenant, à noter que du coup, Jean-Sébastien Bérubé des Marquis de Jonquière s'est mérité la première étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. Au cours de la dernière semaine, Bérubé a connu un match du tonnerre, soit 3 buts et amassé 3 passes. Et le projet est de doter une équipe du Cégep de Chicoutimi d'une équipe de hockey collégial pour faire compétition à l'équipe d'Alma, des Genois, a frappé un obstacle majeur hier puisque le projet a été refusé par le RSEQ qui s'occupe évidemment du sport étudiant au Québec. Le responsable des sports au cégep de Chicoutimi, Éric Aymon, s'est quand même dit déçu. Par contre, il entend garder le comité qui a été mis en place pour faire la preuve que le bassin de joueurs, raison évoquée par le RSEQ, est assez important dans la région pour doter le cégep de Chicoutimi d'une équipe de hockey. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec David Simard, qui est de retour de Calgary, où il était là-bas avec Maud Tremblay et également plusieurs patineurs du secteur. Et aussi, je me suis entretenu aussi hier avec Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenayens de Chicoutimi. Sport local et régional, à DanRadioSport.com. On s'en occupe.